lit en pleine poésie et chanson. C'est Pyongyang City Rockers numéro 355. Punaise, dire que bientôt, enfin d'ici une petite année, on devrait être au numéro 400. Ça sera bien. Mais pour l'instant, pour son 355e numéro, nous avons le grand retour de Thibaut. Yo, les ça mains va. Dans les poches. C'est vrai. Il y a Célia qui s'occupe des manettes, donc forcément, il y aura beaucoup moins de pain que quand. Oh, ça, c'est pas sûr. On essaye. Bon, bref. Non, mais moi, je tiens à faire des, okay. des merdouilles, comme ça, les gens, ils savent que c'est moi. Et puis, nous avons le grand retour de ce soir de quelqu'un qui fait du fanzine. Et donc, on va causer de sa dernière sortie. C'est Perspective numéro 9 qui a été fait par Madame Hélène, que je vous présente maintenant. Bonsoir. Ouais. Par contre, tu peux monter son micro parce que là. Il est sinon, déjà à fond quasiment. Il est déjà à donf. Ouais. Je dois me coller. Carrie. Bon. Ouais, tu dois parler plus près. Ouais, okay. Voilà. Alors, je tiens à dire que je n'ai pas encore lu. Il fait combien? Il fait facilement 32 pages là. 44, je crois. Fadjou, c'est encore mieux. Enfin, oui, il y a de la triche. Mieux avec, ouais. Il y a de la triche, il y a des pages de couverture où il n'y a rien, et puis il y a des grandes photos qui prennent une page entière. Moi, je tiens à dire quand même que ça ne va pas du tout. Par contre, on va partir à la découverte de ce numéro 9 de Perspective et de sa sublime couverture. Mais il n'y a pas que ça qui est sublime dedans. Et d'ailleurs, voilà. Pour l'instant, je vais tricher là, mais pendant que je triche, on va passer de la musique. Alors du coup, j'ai un petit blabla avant de passer de la musique quand même. Vas-y, je t'en prie. Mais je vais vous passer un morceau de Pisseux. Ils ont sorti un nouvel LP qui s'appelle Dubaï. Je l'ai trouvé sur Bandcamp et pour l'instant, je sais pas trop s'il est dispo en physique. En tout cas, il n'est pas chez Phantom Records. Après, ils sont actuellement en tournée, donc j'imagine qu'ils en ont peut-être avec eux. D'ailleurs, ils passent à Paris demain et à Anvers vendredi. Et je l'ai pas noté. Ça. J'arrête même pas de nous faire un petit. Ouais, c'est même pas sur Spunk, je crois. Quel salaud. Alors. Et l'album, il est cool. On reconnaît bien la vague de Pisseux, Dutch Punk. Il y a aussi des sons un peu surprenants. On entend un peu d'orgue. On se dit, oh, ça sort d'où. mais c'est sympa. Tu veux dire un clavier un peu garage quoi. Ils ont investi. Ah non, ça fait vraiment son d'orgue d'église. Ah, mais j'ai entendu en fait, ouais. Ça me dit quelque chose. Bah, c'est une excellente nouvelle, ça. Donc voilà, on écoute tout de suite Temple 2 de Pisseux. Pas d'orgue, je suis vraiment déçu. Ah non, j'ai pas pris le morceau là, désolé. Ça m'aurait rappelé quand j'allais à la messe avec ma maman, puis après j'ai arrêté parce que bon, quand même. Vous êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers. Et puis, tu es arrivé les bras chargés de cadeaux. Non seulement tu avais des exemplaires de Capybara Social Club 21, Ouais. Voilà. Fait par Crapoulet. Ouais, de Crapoulet, non, c'est autre chose. Et puis, mais en plus de ça, des exemplaires de ton zine. Et il y a une montée en qualité, là, je trouve. Ben, c'est grâce à la couve, grâce à Jeanne, si, quand même. Non, je ravise. Même, je trouve que c'est la mise en page, elle est plus. Enfin, elle n'est pas différente de ce que tu avais fait pour le 8,5. Mais quand même. Ouais. Hein. Ben, tout est grâce à l'ardente. Je salue et embrasse au passage, puisque Jeanne a fait la couverture, elle l'a dessinée et sérigraphiée. On reconnaît la patte absolument. De Jeanne. On l'a pliée, cousue, reliée à l'ardente. C'est bien hein, les ateliers à l'ardente absolument. Quand on fait du... Ouais. Et la mise en page aussi, puisque je me suis éhontément servie de tout un tas de macules, ce qu'elles appellent macules, c'est les brouillons, enfin les restes, les essais de sérigraphie, mais du coup les uns sur les autres. Donc il y a plein de fonds, c'est je sais pas, une affiche de Jody sur l'insert du LP de Psychrofort par exemple. Ouais, d'accord. Enfin voilà. Super. Et donc forcément ça donne un peu de gueule tout de suite au fond. Hein. Ouais. Mais bon, le travail c'est toi qui l'as fait. Et bien sûr. Voilà. Ouais, mais donc, bon, découper, coller, j'ai toujours fait donc. Quand voilà, je dis ouais. Déjà avant, déjà pour les numéros précédents, c'était bien, mais alors ça, je te dis, ça monte en qualité. Ouais, et donc faut se le procurer. Alors on disait tout à l'heure qu'il y a une quarantaine de pages, peut-être un peu plus. Non, mais 44 vraiment, 44. Sans la couve. Donc certes, il y a des photos en pleine page, mais une petite quarantaine écrites. Ouais. En pleine page, par exemple, on a le monsieur de Jody Faster, là, celui qui court en faisant des trucs de poulet, là, tu sais. C'est ça. En pleine page, voilà. il est beau, avec JJ derrière. Ouais. Et puis, plein d'autres gens, quoi. Mm. Tu nous dis un petit peu ce qu'il y a dedans? Ouais, alors il y a, comme souvent, comme d'habitude, en fait, des textes que j'écris, un peu, là ouais. C'était, j'avais même commencé avant le 8,5. Donc tu sais qu'on va s'attarder là-dessus, parce que moi j'adore ce genre de rédactionnel qui n'est pas tout merci. À fait musical. Ouais. Enfin, merci. Il y a plus loin que la musique. Mais donc ouais, là il y a directement 5 pages de digression, c'est en une nuit, une longue soirée. Que j'ai, donc il y a plusieurs thèmes, je passe peut-être des fois du coq à l'âne, encore que. Le texte titré Don't Listen, il y a plusieurs... sous-titres, mais ouais, du coup, les différents sujets sont titrés, entre guillemets. Mais donc, voilà, des digressions. Donc, je dirais les grands thèmes, c'est slogan, le premier slogan de la... Ah oui, et donc, ouais, c'est vraiment fait comme une introduction, vu qu'en page... Si je compte bien 6, peut-être même plus. Oui, ça finit c'est le sommaire. Ouais. Bienvenue dans Perspective numéro 9, en vrai. Voilà. Voilà, puisque donc c'est 5 pages de bienvenue et puis je pars dans quelque chose. Et puis bon, bref, bienvenue et puis je pars dans autre chose. Ah, mais c'est comme quand on se voit, on a toujours des trucs à se dire et puis finalement on dit au fait, bonjour. Au fait, voilà, c'est ça. donc ça finit en page 5 ou 6 avec le sommaire. Mais donc, ouais, slogan, humour, passion, je dirais, les grands thèmes. C'est pas mal ça comme sous-titre, slogan, humour passion. Alors, perspective numéro 9. Je l'ai mis en sous-titre de, il y a une page de citation, dont le thème de ce qui est cité, c'est encore après je crois, mais le thème de ce qui est cité, le sous-titre, c'est humour, passion, slogan, ou dans l'ordre. Ou... C'est pas musique, image et passion moderne. Non. C'était une association dans les années 80 sur l'île, qui faisait des trucs entre punk et cold wave et tout ça. Quoi. Okay. C'était un peu ça, quoi, en fait. Ouais. Musique, image et passion moderne. Moderne, ouais, tu es moderne. Oui, c'est ça. Bon, j'ai pas trouvé les citations. Mais je sais plus, c'est en face d'un dessin, peut-être un petit peu plus au début, ou vers le milieu, ou peut-être juste après ça. Là, c'est super radiophonique ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin bref. Donc il y a plusieurs, à d'autres moments, donc il y a cette longue intro, mais à d'autres moments, il y a d'autres textes. Je crois qu'il y en a deux autres. Une double page et la dernière page. Il y a un texte de Jeanne parce que j'ai toujours bien aimé faire participer les gens, je l'ai toujours dit, je le répète, ça reste vrai. J'étais ultra contente qu'elle veuille bien faire la couve, qu'elle participe à ce point à la confection. Mais j'osais pas l'espérer, elle a aussi accepté de faire un texte. un peu en lien, enfin le mot d'ordre c'était ben, en lien avec la couve, ce que ça t'a inspiré, parce que je lui ai tout donné à lire avant qu'elle dessine. Ah ouais. Pour voir si, enfin voilà, lui donner un, si ça l'inspirait pour quelque chose quoi, de visuel. Et donc elle a fait un petit texte pour se raconter autour de ça, enfin son, pas forcément la couve finalement, voilà. C'est, j'allais dire son art, c'est un peu pompeux dit comme ça, mais elle se raconte quoi, voilà. Ouais, et ouais, c'est pompeux parce que c'est quelque chose que la société actuelle réserve à des gens qui se présentent comme artistes et qui en font des caisses. Bon, en fait, il y en a plein qui sont artistes. Ah bah ouais, et puis Jeanne s'en est une sacrée. Et puis, alors, ouais, et puis alors, quand tu vas à l'Ardente, tu sais que c'est des artistes. Bah voilà, ouais, ouais. Et en même temps, des artisans, artisanes. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et outre les textes, bon, il y a des conneries, il y a des mots croisés, il y a des genres de chroniques. Alors c'est pas... pas chronique de zine, mais c'est je suis ultra mauvaise en chronique, ça changera pas. Ah ouais. J'ai toujours dit j'en mettrai jamais, mais finalement, voilà, j'ai lu, reçu, ouais, mais t'as envie commandé, de parler de trucs que t'as bien aimé. Voilà, c'est ça. C'est ou ça. Alors défoncer des fois un non, peu. Justement, moi, défoncer, ça m'intéresse pas. Je, voilà. Donc, je, finalement, c'est presque du conseil, quoi. J'ai lu ça, j'ai aimé. Si, ouais. Si t'as l'impression d'être de mon goût, tu peux te les procurer, quoi. Donc en négatif, ça veut dire que tout ce dont tu ne parles pas, tu ne l'aimes pas. Potentiellement, ou alors j'en ai pas eu connaissance, ou je ne l'ai pas encore lu, ou j'ai pas... voilà, mais potentiellement, oui, effectivement. D'accord. Mais je préfère pas en parler que de voilà, enfin je trouve ça stérile quoi, de dire j'aime pas, je t'aime pas, j'aime pas ce que tu fais. On peut aimer les gens et puis trouver que ce qu'ils font des fois. Absolument. Alors justement dans ce genre de cas, je trouve plus respectueux de continuer à les aimer sans dire que j'aime pas, enfin je peux le dire comme ça, mais dans un zine, enfin voilà, c'est affiché, c'est voilà. Disons que si t'as une vraie critique, enfin je veux dire quelque chose à dire, dire pourquoi t'aimes pas tel ou tel aspect, ouais. C'est bien, mais juste dire c'est nul, voilà, c'est, ah ben ça, c'est nul là, hein. Je préfère le dire à la personne. C'est, et puis bon sans être beaucoup diffusé, mais c'est moins, entre guillemets, humiliant de se faire saquer. C'est clair. Je préfère le dire. Voilà, alors que, en fait, des fois, on passe des trucs ici, puis après, on dit c'est nul. D'ailleurs, on va passer de la musique parce qu'il est déjà 20h13 minutes. Ouais. Alors j'ai pas fini. Le principal, deux interviews au milieu de ces textes et de digressions et de machin. Deux interviews, accident de Metz. Et là on va le repasser. Ouais. Et ben t'as raison. Et Emergence Records de Rouen, donc Vincent, un ancien que certains d'entre nous appelons Tonton Toutfoul, puisque Vincent Trop-Plein. Voilà. Poète. N'empêche, c'est Tonton Toutfoul. Je ne dis plus que ça, donc il est présenté comme ça dans le zine. Donc j'ai préparé, je sais pas, Cécé, si t'es prête. Alors, et si attends, on peut faire ça. Je viens de faire une bêtise. c'est tout cassé ? Non, c'est bon, je viens de réparer à peu près. Ça va ? J'ai effacé toute la liste de lecture en voulant effacer un truc. Mais c'est bon, c'est bon. C'est ça. Alors donc, accident, j'ai choisi Ultra Blindé, le morceau. Sachant, je sais pas si on le dit tout de suite, ils vont être en concert, ils ont une cassette. Je le dis tout de suite, c'est fait. Donc ils seront, je l'ai dit, je viens de le dire, ils seront en concert au CCL le 26, donc dans deux semaines à peine, je sais plus. Yes, bah ouais, même pas. Dans 10 jours, même pas. Et ils sortent, je sais pas si c'est fait, mais à mon avis, ce sera fait pour le concert, une cassette sur Dirty Slap. Oui, ça on a déjà dit. Vous c'est, l'avez oui, dit, oui, voilà, ouais. C'est Célia qui est dans Bleeding Edge. Hein, ouais. Célia, ouais. Alors là, qui a balancé ça, c'était la semaine dernière, non? De quoi? Non, il y a deux semaines. Bah ouais, mais ça fait pas longtemps qu'ils ont accident. Sorti. C'est sur Ouais, non. Non. Oui, non, c'est pas moi. C'est pas Gaël qu'on a passé. Gaël. Oh, je sais plus. Enfin, je crois que c'est Gaël qu'on a. Enfin, non, bref, c'est pas moi. En tout cas, celui-là, Ultra Blindé. Bonjour Gaël. Et peut-être dans la foulée, Natlo Sutila qui est de Bordeaux avec la bassiste de Phosphore qui chante là aussi. Alors on va passer ça parce que c'est une sortie émergence, entre autres, avec Crapoulet, Stonehenge, Cryptozoïde, Acid Folic, Skate Pizza, Crust à Tombe, ça je trouve ça génial, je sais pas qui c'est, mais Crust à Tombe, et Arachnopunk. Ok. Et le morceau c'est Voices. We'll be right back. bien à l'heure, il est déjà presque 20, c'est fou. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 355 avec ce soir Hélène qui, je le dis à l'attention de Jean-Pierre Léjoie, jeune lecteur du Var, qui édite Perspective. C'est le nom de cette revue dont nous demande le titre à un sympathique auditeur. Bonsoir Schnaps. Maintenant tu peux te casser. Parce qu'il est, non, mais il m'a envoyé un message comme quoi il devait quitter l'écoute. Alors voilà quoi. Et donc, ouais, dans ce Perspective numéro 9, j'ai enfin réussi, grâce à Célia, à retrouver la page des citations avec des trucs quand même, on peut tous. Grâce à Célia et ta lampe torche, quand même. Et alors, ouais, parce que moi, là, il fait trop sombre dans le studio et vu que j'ai pas encore mes lunettes, et ben voilà. Ne laisse pas tomber tes 7 pouces, ils ont besoin de toi. Et ça, c'est la personne qui écrit des trucs comme ça, ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment punk hardcore parce que le support punk hardcore, c'est le 7 pouces. Bah ouais. On est bien, et si possible, la compilation 7 pouces. On est d'accord. Bah ouais, ouais. Donc voilà, donc c'est un copain qui m'a envoyé ça par texto. J'ai trouvé ça, ça m'a fait rire, donc je l'ai mis. Ouais. Et en plus, c'est complètement dans le vrai. Voilà, hein. J'étais en train de lui dire, j'écoute de moins en moins mes 7 pouces. Ils sont dans un placard. C'est faut les changer toutes les minutes. Et il m'a engueulé. Il m'a dit ça. Voilà. Sinon, avant, il y avait, tu sais, des platines dans les années 70-80. Alors, je vous parle d'une époque que vous n'avez pas connue. Mais il y avait les chaînes hi-fi premier prix. C'était des trucs intégrés, quoi. Ouais, un seul morceau. Ouais. Et la platine, en général, c'était une platine BST. Ouais. Avec un changeur de 45 tours. Ouais. Donc, tu pouvais en mettre une pile, comme ça. Je crois que c'était, tu pouvais en mettre 12 au maximum. Et donc, il tombait, tu sais, le bras, il s'en allait, il retombait, puis il revenait se mettre dessus. Mais ils faisaient recto verso ou pas? Non, pas recto verso. Ça, ça s'appelle un jukebox. Ça aussi, il a disparu, ces affaires-là. Mais c'est bien, ça, pour écouter du 45. D'ailleurs, que du 45 ou que du 33. Sinon, t'as des problèmes de vitesse. Après, il faut quand même te lever pour changer la vitesse. Ouais. C'est un peu le bordel. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme citation rigolote? You think you're cool, you're just new school. Mais, alors ça, mais... tout le monde peut se rattacher à ça. Bah ça ouais. nous est tous arrivé à un mais moment. Tu vois, c'est vieux. Hein. C'est Dead Nation, c'est des paroles de Dead Nation, ça date de 99. Ouais, hein. Voilà, ouais. Bah ouais, mais en fait. Mais ouais, bah ouais. Et là, ils disent ça au premier degré ou. La chanson, c'est Skate or Die, donc je pense que c'est plus. Moi, j'aime à l'entendre dans un sens plus général, mais dans les paroles, c'est plus les skaters new school. Tu te crois cool, mais t'es new school, mais, genre, voilà. Mais dans le punk et tout ça, c'est pareil, quoi. Enfin, moi, je suis désolé d'en rajouter. Bah ouais, trucs non, de vieux. Vrai. Mais moi, c'était au début des années 80, et il y en a qui venaient me dire ah ouais, mais t'étais où en 77 Bah, j'étais dans les jupes comme mère, quoi. Si tu veux que je te dise. Bah, ça nous est tous arrivé à un moment. Je me rappelle mon premier plan que c'est sur aucun. Alors ça peut permettre une transition habile cependant. Ouais. Il y a un texte là, une double page de texte où j'ai mis une BD, enfin c'est en 4 cases, Nothing Nice to Say. Ouais. Et en fait c'est ça, là, le jeune punk en début 90 qui vient, on sait plus tôt je crois. C'est, donc il vient avec un concert avec un t-shirt Green Day et puis on le regarde pied, ouais. Et puis on le regarde genre ah, c'est un groupe de merde machin. Le même mec qui avait son t-shirt Green Day l'année 2 il fait un fanzine punk. Et puis l'année 3, l'année 3, il a un t-shirt House Rotten, il fait un groupe lui-même. Incroyable. Puis l'année 4, il y a un gamin qui passe devant lui avec un t-shirt Blink 182 et il le critique exactement comme il a été critiqué 4 ans avant. Et enfin, ça, c'est vieux aussi, hein, je crois que c'est 2000 ED, cette BD. Enfin, ce... Mais j'ai toujours trouvé ça vrai, toujours vrai, parlant, enfin voilà. Vrai aussi. C'est un cercle infernal. Tu sais que dans les concerts, on trouve encore des gens plutôt jeunes, ils ont à mon avis pas plus de 25 ans, ils ont des t-shirts exploited. Ouais. Quand même ça me tue, hein, parce que maintenant c'est du métal exploited. Ouais. Bah, selon la BD, ils sont ailleurs trois. Et puis ça fait très... ouais, c'est et puis ça. Ça fait très longtemps que c'est un gros con quand même. Enfin, on va arrêter après, là-dessus. Hein. Le numéro de téléphone du studio, 03 62 26 89 18, pour m'insulter, mais uniquement pendant les plages musicales. Et enfin, il y a un truc aussi, là aussi, on peut tous s'y rattacher, mais un peu plus tard que l'histoire de New School, c'est pas de vomi dans les WC, vaisselle faite, le punk n'est plus ce qu'il a été. Ouais. Pareil, c'est un texto ou un message, je sais plus, d'un copain qui a dormi chez moi après la fameuse soirée de Syndrome au Black Lab. Ouais. Et on a dormi à 10 chez moi et il m'a fait la vaisselle, il nous a fait à bouffer, ce pote, et donc je l'ai remercié et il m'a répondu ça, pas de vomi, vaisselle faite, le punk n'est plus ce qu'il a été. En même temps, il y a peut-être quand même quelqu'un qui avait gerbé dans les pas chiottes. Pas du tout, pas de vomi. Mais ça avait été nettoyé entre deux. Non, il n'y a pas eu d'épisode. Non. Parce que je voulais enchaîner sur un truc, c'est que quand même, ça révèle aussi quand même qu'il y a une espèce de... On a peut-être pris un peu de bouteille, mais en même temps, tout le monde, et là, quel que soit l'âge, on est un peu plus respectueux que ce que ça a pu être à certaines époques, où c'était vraiment n'importe quoi. Mm. Et quand, les gens qui invitaient du monde chez eux prenaient quand même beaucoup de risques. Mm. Je te le dis. Ouais. ça semble vécu. Ouais. Voilà. Et encore, moi, c'était uniquement en chambre universitaire, là, à Bachelard. Ouais. Mais bon, quand même... Enfin, 9 mètres carrés, une chambre universitaire. Tu rigoles, 7. Ouais. Bah oui. Enfin, ouais, bon, voilà, quoi. Mais quand même, c'était bien le bordel. Mm. Donc après, j'avais la descente de la concierge le lendemain matin, parce qu'il y avait eu du bordel dans tous les étages. Ouais. Bon. Bah oui, du coup, ouais. Et du vomi. Bon, ça a peut-être pas changé, par contre. Oui, mais voilà, mais maintenant il y a peut-être plus. Enfin, je trouve que quand même il y a une dimension plus de respect, quoi, aussi de faire gaffe. Oui, aux gens, sûrement, mais aussi de daronade. Hein, je veux dire, alors on était à 10 chez moi, on a fait la fête, on s'est couché tard, mais on a tous alentour de 40 balais. Hein, enfin, eh ouais, vous voilà, êtes jeune. Bah ouais, mais je veux dire, voilà, c'est pas la fougue. On n'a pas fait de nuit blanche, on n'a pas. Non, ouais. Voilà, quoi, ouais, mais ça c'est compliqué, hein, surtout si le lendemain il faut aller bosser. Enfin, j'en sais rien. Surtout si le lendemain il faut faire 8 heures de route pour rentrer à Brest. Et voilà, là, en l'occurrence, pour une partie d'entre eux, c'était ça. Voilà. Je voulais revenir quand même, moi, sur ce. Je sais pas s'ils sont tous comme ça. Il y a une superbe reliure avec une. C'est quoi? C'est une ficelle? C'est du fil. Il y a des couleurs différentes selon les couvertures. Voilà. En fait, là, t'as la couverture sérigraphiée rose fluo. Donc, on a mis. Je l'ai pris parce que ça m'a tapé dans l'œil. Ouais, on a mis un fil rose fluo. Alors, j'ai fait. En fait, c'était un peu comme ça, mais. J'ai toujours bien aimé les nerderies de disques numérotés, de colorés, de séries limitées, machin. Et je pense que tout le monde aime et ça. Et moi, j'ai le numéro 666. Voilà, tous les gros nerds dont je suis, hein, mais voilà. Ouais. Et donc, en fait, on a commencé avec Jeanne, on s'est décidé pour bleu, dégradé bleu pour la couverture. Ouais. Et puis, arrivé à... je sais plus faire le compte, mais à 59, on est arrivé... Non, à 61, on a mis un peu de vert. Et après, pour en faire 19 roses, on a tout arrêté. Finalement, on a dit, allez, on essaye des roses. Et donc, on a fait 19 roses. Donc, les roses sont reliées avec un fil rose fluo, puisque voilà. C'est bleu comme tout. 61 fil noir, tout simplement. Et donc, ça fait combien? 21 avec un fil vert. Là, je ne vous en ai pas ramené, mais un fil vert dégradé. Alors, le fil noir, ça fait un petit peu comme le vinyle noir, quoi. C'est vraiment le truc. C'est ça, c'est le truc de base. Mais c'est ça, je pense que même inconsciemment, c'est comme ça que j'ai fait le choix. Le plus grand nombre, c'est noir. Et puis, voilà. C'est dégueulasse. Donc tu crées artificiellement de la rareté. Et aussi une espèce de graduation dans les lecteurs, électrices. Non, pas forcément. Alors peut-être, parce que pour la rareté du rose, j'en ai envoyé dans des distros. J'en ai mis soit un, soit pas. Donc en fait, le rose, c'est plutôt à Lille qu'on peut l'avoir, quoi. Et je me prends à mon propre piège parce que il y a 3 exemplaires, je vais m'en garder 3, quoi. Ouais. Je me prends à mon propre piège. Ah oui, t'as 3 versions. C'est pas tout à fait les mêmes parce que je suppose que la couleur est pas forcément répartie tout à fait de la même façon. Non, bien sûr que non. C'est vraiment en plus des exemplaires uniques, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, tout est unique, découpé plus ou moins bien, très bien par l'ardente, par Malvie très mal par moi. C'est le métier, ça. Mais c'est pas bien sûr. Quand je parlais d'artisan, je pensais aussi beaucoup à Malvina parce qu'elle elle tient à ce truc-là de côté artisanal et le geste technique. Ouais. Nanana, ouais. Mais la reliure, tout l'assemblage, c'est Malvie, quoi. C'est je disais l'ardente, c'est Jeanne, sérigraphie, art, couverture. Quelle équipe. Et Malvie, la reliure, avec tous les autres, hein, puis Pierre et Auréane qui ont aidé aussi. Quoi, Et au total, il y en a combien d'exemplaires qui ont été faits? 100. Ouais. Tu vas en refaire après ou pas? Bah non, bah non, écoute, sérigraphie, non. Non, mais après, tu pourrais faire une version un peu tout venant. Peut-être. Avec, tout venant. Avec une couve que tu aurais faite à la boîte à copie à côté de chez toi. Ouais, bah, peut-être. Peut-être que si vraiment, là, il m'en reste, si c'est demandé, on verra. Que... Ouais. Une version WordPress pour mettre sur Spunk. La vérité. Bah, ça, ça, non, je veux pas. Je sais pas, il y a un truc. C'est peut-être con, mais je veux pas que ça soit sur Internet. Je veux pas que ça soit en PDF. Je veux pas. Okay. J'ai un PDF que j'ai envoyé à quelqu'un qui trouve ça écrit trop petit. Et je le savais. Donc c'est peut-être une anticipation quand je l'ai scanné. Mais voilà, comme ça, il peut lire. Si tu veux, Stéphane, les gens de grands âges. De grand âge, pardon. Merci de penser à nous. Parce que c'est, je trouve que c'est écrit de plus en plus petit, hein, les tout. C'est un peu plus grand, oui, tout, de manière générale. Parce que là, j'ai fait l'effort d'agrandir un peu par rapport au 8,5. Ouais. C'est je pense que t'as plein de choses à dire, c'est pour ça que t'écris petit. Bah ouais, et puis j'aime bien quand c'est condensé. Et puis, bon, voilà, bref, je sais pas. Je vais sûrement quand même encore un peu agrandir. Bon. Ouais, je parlais de refaire éventuellement, une fois que tu auras écoulé les 100 premiers numéros, les 100 premiers exemplaires, d'en refaire quelques-uns, parce que la vérité, c'est que quand même, ce qu'on attend d'un zine, c'est certes le côté graphique, que ça caresse l'œil, mais aussi qu'on a on est le cerveau caressé par les propos, n'est-ce pas? Je le dis bien. Merci, merci. Bah ouais, non, mais bon, c'est pas exclu que j'en refasse. En tout cas, ce sera plus sérigraphié, ce sera, je verrai avec Jeanne si elle veut bien. Parce que ça sera, c'est sa couve, enfin voilà, c'est son œuvre, donc à voir si elle veut bien et comment, sous quelle forme, quoi. Voilà. Alors il y a un truc là qui est marqué, c'est marqué attention important. En dehors des interviews, ce fanzine n'est pas cool. Mmh. Il ne contient pas de chronique de disque. C'est pas vrai, j'en ai vu, non? Non, il n'y a pas de disque. Ah bon, je croyais. Il n'a pas de prétention littéraire et encore moins journalistique. Il expose ça et là des opinions ou plus probablement des questions ou des doutes que je me fais un plaisir de discuter avec toi si ça te fait réagir, entre parenthèses, à condition que tu aies d'abord bien lu attentivement et pas interprété mes propos. Il ne contient donc pas non plus de slogan. Vous l'avez prévenu, nous vous la rhabillez pour l'hiver. C'est pas marqué que c'est la politique par contre. A priori. Ouais, c'est vrai. Oui, bon, c'était une discussion qu'on avait tout à l'heure en antenne avant de commencer. Private joke, je me suis fait charrier comme quoi j'avais pas d'opinion, donc j'ai prétendu que j'étais apo, mais c'est évidemment faux. T'as pas d'opinion. C'est toi qui disais ça quand je suis arrivé, t'as dit il y a pas d'opinion politique. Non, c'est... Oui, politique, non, mais par contre, il y a des trucs qui peuvent être pris politiquement au sens large, on va dire. Bah, j'imagine quand même. Quand même. Bah, ouais. Et puis, à écouter de la musique où t'as quand même la plupart des gens. Bah, ouais. Qui s'expriment pour dire des autres choses que oh, les petits oiseaux chantent dans les roches. Mais bon, après, je sais pas, politique ou pas, j'en sais rien, mais tout le début sur les slogans, j'ai. Bon, voilà, j'ai. Qu'est-ce que t'as contre les slogans? Bah, beaucoup de choses. Non, mais enfin, j'aime pas, voilà, mais je m'étends sur. Sur ça, quoi. Je l'ai pas encore lu, donc en fait, tu reviendras. Enfin, si vous êtes d'accord. J'ai pas de prétention non plus à dire qui vient pas. On est déjà bien content qu'il y ait des gens qui viennent. Merci, Hélène. Mais peut-être tu reviendras parce que comme ça, j'aurai des trucs à te rétorquer par rapport aux histoires de slogans. Ouais, ok. Ce serait peut-être l'heure de passer un peu de musique. Oui, chef. Ouais. Alors, aussi. Célia, maintenant, ça y est, c'est elle qui taxe, c'est le diktat. Hein. Célia, si tu veux que je te fasse un genre de transition, je dis aussi vas-y. À un moment que on dit que je fais du copinage. Enfin, on m'a déjà dit. Et c'est, moi, je le prends pas comme une critique. C'est un état de fait et tout à fait assumé. Bah ouais, mais. Et donc dans le chapitre copinage, qui est pas d'usine, mais je vous propose d'écouter deux groupes. Cafard de Montréal, pourquoi au chapitre copinage, c'est le chanteur de Youssouf Toudé et Cloaca qui est dedans. Ils ont une cassette bientôt, ils ont un bandcamp. Donc, on ira voir. J'ai choisi le morceau Morné. Tu as, Célia? Ouais, c'est bon. Et on peut enchaîner tout de suite. Promesse de Brest, en deux mots, pro et messe comme le bordel. Le bain en anglais. Donc Promesse, le morceau The Shame. Donc copinage aussi. C'est entre autres, hein, ils sont cinq, mais il y a Souna et Stache de Brest qui sont des srabs. Ah, toi aussi, tu parles comme les jeunes. Ouais, FRR. J'en profite pour lancer un appel en leur nom. Ils cherchent à jouer à Lille le 10 novembre. J'ai pas encore trouvé. Voilà, je leur ai donné des contacts, mais donc si jamais quelqu'un entend, donc ce sera le deuxième morceau. Si jamais ça branche quelqu'un, voilà. Donc Cafard Morné et Promesse The Shame, The Shame. Mais quel boucan, dis donc, hein, c'est incroyable. Hein. Je crie, va tout ça. C'est Pyongyang City Rockers, il est déjà 20h39. Pouf, pouf, pouf. Et dans ce numéro 355 du PCR, nous recevons Zélène Perspective. Mais pour l'instant, j'avais un truc à raconter quand même, parce que, en plus, je trouve que ça. T'en parles pas de Ratcharge ? Si, non, bien sûr. Voilà. Si. Et donc, ça y est, où est-ce que je l'ai foutu, le Ratcharge ? Putain. Je peux meubler si tu veux. Donc Ratcharge est un fanzine, ouais, mais aussi voilà. Quelques bouquins. Voilà, et il est passé en 2022. C'était un des derniers trucs qui ont eu lieu à la phase B. Ouais. Ouais. Il avait présenté, je sais même plus quoi. Son bouquin. L'un des bouquins. Un de ses bouquins. Ouais, ouais. Voilà. Et puis là, en fait, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Il y a un triple article signé de sa main qui est sorti sur le site d'info lundi matin, lundi.am, pour ceux qui le cherchent sur les internets. Cet article, ce triple article, en fait, enfin, c'est un article en trois parties, est titré sur les pratiques du punk radical. C'est pas mal comme entrée en matière pour les gens qui vous demanderaient toujours ouais mais qu'est-ce que vous faites les punks, c'est quoi vos conneries, vos fanzines à la con, vos émissions de radio de merde, enfin etc. Il suffit de les renvoyer sur ce truc qui est quand même ma foi fort bien fait, qui est sorti en trois parties en trois semaines de suite sur lundi matin. Et puis en quoi mine de rien ça ouvre l'esprit de celles et ceux qui pratiquent d'une manière ou d'une autre des trucs aussi con que organisation de concerts et autres événements, tenir des cantines à prix libre, publier des fanzines et autres feuilles de chou, vous connaissez, faire de la punk post, tenir des tables d'infos, tables de presse, ouvrir des lieux, etc. Ça ouvre l'esprit et très souvent ça vous sauve la vie, y compris la mienne. En vrai, ouais, y compris la tienne, et y compris au sens propre. Il y a des fois où, ouais, heureusement qu'on a ce genre de truc pour nous maintenir l'esprit à flot, quoi. Bref, ça a retrouvé sur lundi.am. Et puis, ça s'appelle Sur les pratiques du punk radical. C'était déjà sorti une première fois dans une revue qui s'appelle je sais plus comment. Mais qu'il fallait l'acheter la revue et tout ça, et puis c'est cher. Alors que là, je me rappeler, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais ouais. Voilà. C'est vraiment un article recommandé à mettre entre toutes les mains et devant tous les yeux. Et puis, je pourrais passer un titre maintenant, s'il vous plaît. C'est le groupe justement de Monsieur Ratcharge de Aix, dans lequel il fait chanteur, s'appelle Les Remplaçants. Et il nous cause comme quoi c'est bien d'être séparatiste au pluriel. Les Remplaçants, séparatistes. Tu l'as trouvé ? C'est ouais. Bon. Eh ben, allons-y alors. Youpi. Il n'y a pas de son sur VLC. Un barbaroum. Allez. C'est parti. Eh ouais. C'était quoi les... Bah oui, enfin voilà, c'était eux. De quoi? C'était les remplaçants. C'était les remplaçants, bah ouais. Et donc, avec Mister Ratcharge qui chante. Au début, la voix, elle me faisait bizarre. Et puis en fait, ça passe super bien. Moi, j'aime bien. Enfin, okay. Franchement, ouais. Youpi. Et en plus de ça, en plus d'être un remplaçant et fier de l'être, il fait des zines et t'en parles dans le Perspective. Ouais. Number 9. Ouais. Je crois que j'en parle à peu près toujours hein, de Ratcher. Ouais. J'y faisais Black Lung avant. J'ai toujours vraiment bien aimé ce qu'il faisait. Donc, ouais. Ouais. Et donc, il y a une double page là sur les zines. C'est vraiment un aspect important de ta vie. Tu passes ton temps là-dedans. Bah, c'est ce que je préfère, ouais. Lire de manière générale. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas une question piège. Hein. Ouais, ouais. Bah ouais, effectivement, je passe beaucoup de temps à lire. Et alors, il y a Célia qui nous a attiré l'attention de tout le monde ici sur le fait qu'il y a quand même une partie d'usine qu'on trouve peut-être moins fréquemment ailleurs, mais là, il y en a beaucoup. C'est des chroniques de concerts. Concerts, ouais. Ouais, alors, chronique de concert, je sais pas si le mot est juste, parce qu'en fait, je raconte ma vie. Hein. Enfin, je suis allé à tel concert, et ici est passé ça. Que voudrais-tu dire d'autre? C'est une chronique. Enfin, Oui. Oui, c'est pas un report dans le sens dans lequel on attend, mais, ouais. Mais bon, tu racontes ce que t'as ressenti, ce que t'as aimé et tout, donc ça reste une chronique. Ouais, effectivement. quand je mets la nuance, c'est que en lisant ça, j'arrive pas à dire tel groupe c'est tel style, avec tel tout comme un chronique et un disque. Oui, oui. Voilà. Mais ou autrement. Alors faut inventer des styles. Ouais, ou bien ça, je pourrais. Mais tu m'avais suggéré ça l'autre fois. En fait. J'avais oublié, tu vois, ça me revient. J'ai des idées fixes, ouais, tout cas. Bah ouais, je vois, ouais. Mais donc, ouais, c'est plus. Voilà, je raconte. Et alors, cette fois, je trouve, si je puis me permettre, presque congratuler, je trouve que c'est probablement un peu moins chiant. Parce que, en fait, là, cette fois, je me suis. Au lieu de. Ça peut arriver qu'en rentrant, ou je sais pas, dans la semaine, je note la date et puis voilà ce qui s'y est passé. Point. Enfin, voilà. Et là, en fait, j'y ai quand même mis un peu plus de temps à digresser. Je pense que ce que je fais mieux, j'en sais rien, mais ce que je fais le plus. Et du coup, voilà. Par exemple, je parle d'un concert. Je parle d'un concert où il y avait Reproach et je te raconte pourquoi, comment. J'aime bien Reproach depuis 25 ballets. Mais voilà, du coup, ça tourne quasi au texte perso, mais sur ce thème. Voilà. De même, Planet on a Chain. Peut-être que c'est ça qui rend un zine intéressant, c'est d'avoir un avis personnel. Moi, et non pas des trucs attendus, des slogans. Moi, c'est ce que j'aime bien lire. En tout cas, les zines, le zine que je fais, c'est évidemment, c'est pas évident, mais. C'est quand même un truc que... Enfin, je le fais de la façon de... Ah, putain, j'arrive pas à bien faire ma phrase. J'aime bien lire des zines comme ça. Écris-la, puis après ça, tu pourras la dire. Non, mais j'aime bien quand il s'agit pas que de des kilomètres de chronique. Évidemment, une interview, c'est toujours sympa de voir l'avis intéressant et tout, de voir l'opinion, l'avis de quelqu'un, ou même d'un groupe. Mais aussi voilà les textes autour dans le zine, j'ai toujours bien aimé que ça soit un peu comme David à Paris qui quand il raconte les concerts, il raconte tout enfin pareil quoi. Ouais, puis peut-être que j'en copie à mon corps défendant, je sais pas, mais... T'imposes pas un avis général, tu proposes ton avis, enfin ouais. Tu voilà, t'exposes en fait ce que tu ressens, enfin ce que tu as vécu et tout, mais pas en disant va écouter ça, c'est le meilleur groupe du monde, enfin et dans une semaine ça sera un autre. C'est ça. Mais voilà, si vous voulez passer de la musique, c'est le moment, parce que justement... T'as parlé de Planet on a Chain, c'est ça ? Voilà, j'ai parlé de Planet on a Chain que je voudrais passer, et donc le concert de Planet on a Chain, no spoil, hein, mais non mais je raconte, en fait, le trajet pour aller voir Planet on a Chain, j'étais avec mes deux potes flamands, et on s'est rappelé la première fois qu'on a vu Thierry Top, parce que c'est le même chanteur. Et donc, voilà, il y a déjà une demi-page pour ça. Et puis, le concert, vraiment, il y a un petit paragraphe, mais je raconte... C'est du remplissage, en fait. Bah non, en fait, je raconte, voilà, c'est l'occasion de raconter. Ouais. Je l'ai dit plusieurs fois, l'un des 10 de Thierry Top, je prétends qu'il m'a sauvé la vie. Mm-hmm. Et donc, je pars de ça, voilà. Et je pars de ça et je parle de ça et voilà du coup ça. Donc j'aimerais bien si possible passer Planet on a Chain. J'en ai mis deux. Je pense qu'on va en passer qu'un. Ouais, du coup, mais si en qu'un. Alors je préfère Boxed In. Okay. Du LP du même titre de 2003. Et Reproach pour la petite, voilà, la petite fraîcheur, 42 secondes. Reproach, pareil, où je raconte comment, quand je les ai connus et pourquoi j'aime. Donc Reproach, c'est Scars, 42 secondes. Allez, c'est parti. Il y a des gens qui veulent se demander pourquoi Hélène aime Reproach. Vous avez eu une partie de la réponse avec Scarl. C'est le premier titre de Reproach qu'on a passé dans Écrasons la Vermine à l'époque. Il y a longtemps. Hein. Bah ouais, c'est 2003 ce LP. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah voilà. Ouais, ouais, 2003. Mais alors, ça fait plus de 20 ans que c'est sorti. Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression, quand je parle de Reproach, je dis ouais, ça fait 10 ans qu'ils existent. Ça fait 25 ans qu'ils existent, c'est ça que je raconte. Ouais. Je dis en fait, ça fait 25 ans, ils n'ont jamais bougé de line-up, ils n'ont jamais. Ils n'ont pas fait d'expérimentation, un album électro, un machin. Ils auraient pu, hein. Moi, je. Et ils auraient pu, bien sûr. Hein, mais moi, j'aime bien la constance, je sais pas, il y a un truc. J'aime bien la constance, qu'ils fassent d'autres groupes s'ils veulent faire de l'électro. ce qui a eu lieu d'ailleurs, il me semble. Non pas dans. Non, il n'y a pas des gens de Reproach qui ont été dans d'autres groupes. Dans d'autres groupes, oui, ouais, mais voilà. Oui. Ouais, bah voilà. Ouais, bah tous. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Savez-vous qu'il nous reste à peine 6 minutes? Ça va être compliqué hein, de conclure là. On va répéter. Perspective numéro 10, ça se trouve où? C'est ça qu'on n'a pas dit. Numéro 9. Ah, non, putain, je suis en avance, t'as vu. Alors ça se trouve où? Ça se trouve en distro à Saint-Thé, il y a la France Pu. À Marseille, Crapoulet. Enfin, après, c'est Crapoulet et Stonehenge à Toulouse. Donc Crapoulet, Marseille, Stonehenge, Toulouse. Ils font en VPC, quoi. Donc voilà, c'est. En vente à distance. Ouais, Lucane à Lille, et donc la France Pub à Saint-Thé. Voilà, ça c'est les paquets que j'ai envoyés très officiellement. Après, auprès de moi, je sais pas, un mail. J'ai enfin mis un mail là dans les contacts du truc, donc un mail, un machin sur le réseau social, sur Instagram, un message. Ah, t'es jeune toi. Je suis jeune, ouais, je suis neugeux, t'es capté. Elle fait rire le sang. Bon, on va peut-être passer encore un peu de musique, hein, puisque c'est ça. Ah oui, non, il y a un numéro 10 qui va sortir. Il y a aussi Louis Pleur qui m'en a pris à R sur Ah, quand même. Ouais. Désolé. Et d'ailleurs, t'as déjà commencé à en differ directement main à la main à Louis Pleur. Ah ouais, Voilà. Donc c'est déjà bien. Donc je suis sûr que tu devras en refaire des exemplaires. Bah peut-être, on verra. Arrête un petit peu. On verra. Bah celui d'avant, t'en avais déjà refait. Mais pour arriver à 110, un truc comme ça, parce que j'en ai fait 70 à la base. Ouais, bah voilà. Et là, donc tu fais 100, tu arriveras à 150. Bah, on verra. Et puis tu verras, au numéro 15, tu seras 1000 exemplaires. Tu vas vite. Hein. Bon, et donc, pour revenir à ce que tu me demandais, le 10 est en route, effectivement, déjà. Ok. Et toi, tu voulais rajouter un truc et je t'ai coupé là. Je voulais rajouter qu'il y ait aussi à Louis Pleur, c'était ça. En fait, je t'ai interrompu pour rajouter ça. N'importe quoi. Et donc maintenant, je réponds à ce que tu me demandais, c'est que le 10 est en route, que j'ai l'artiste de la couve, que j'ai... C'est quelqu'un qu'on connaît ? Ouais. Quelqu'une ? Quelqu'un. J'ai... Non. Mais non, mais je veux pas faire de secret à la con, mais c'est bien quand il y a une petite surprise ou tu vois un petit voilà. J'ai l'impression de me faire engueuler. C'est pas de la cachotterie, mais je trouve marrant, non, de pas le dire tout de suite. Tout ce que tu dis est vrai et bon. Donc dis-le. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Donc aussi une interview sur. Bah deux, normalement c'est bon les deux, et puis un tour report d'un groupe qu'on connaît qui est parti en tournée cet été. Ouais. Je me demande bien qui c'est. Ouais. Je vais me creuser la tête. Après, je veux bien le dire, je sais pas, à la fois je veux pas faire de secret. Bah, après, celui-là il vient juste de sortir. Celui-là il vient juste. Ouais. Il vient juste de sortir, laisse les gens découvrir déjà celui-là avant de déjà annoncer tout ce qu'il y a dans l'autre d'après. Tu as raison, Célia, merci. Tu reviendras nous en parler de toute façon. Non, mais direct, conscience, hein, aussi. Ouais. Elle a les manettes et la conscience. Voilà. Même si j'ai envie de savoir, mais il y a peut-être des infos que j'ai déjà. Ah ouais, t'as des infos en avant-première, toi, bravo. Bon, n'oubliez pas qu'il y a Johnny Montreuil et Falvino, je sais plus quel jour. C'est aujourd'hui. Non, le 16 octobre, pas le 16 septembre. Non, il y a écrit 18, c'est aujourd'hui. Ah ouais. Bon, je sais pas. À la ferme d'en haut, il faut le dire parce que c'est la pub campus. Hein, c'est pour les 55 ans de Radio Campus. Voilà, ça sera dit. Et puis, il nous reste 2 minutes 30. J'ai encore un morceau si tu veux, Célia. On va pareil, dans l'intro, on va conclure là-dessus. Ouais. Dans l'intro, je parle du morceau Making Sense In My Eyes parce que je digresse aussi sur Loose Crew à un moment, voilà, entre parenthèses, en disant que j'aime plus pas. Partie. Et ouais, voilà, j'aime pas, j'adore, mais ça m'énerve, mais quand même, je trouve ça génial, enfin voilà. Et donc, Making Sense In My Eyes, où je le trouve vraiment canon, avec des petits... Il y a des petits moments, je décris, 1 minute 2, je crois, 1 minute 8, machin, faut que tu sois attentive, parce que ce morceau est canon à tel moment, machin, bref. Voilà, donc, Making Sense In My Eyes. Et puis on peut dire au revoir, non ? Ouais. On n'aura pas le temps après. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Ah, merci à toi d'être venu. Merci de ce numéro 9 de Perspective qu'on retrouve dans toutes les bonnes drogueries et peut-être aussi sur les tables de presse, par exemple au CCL. Ah bah oui, ouais, bien. Ouais, possible. On se retrouve la semaine prochaine pour la 356e occurrence de Pyongyang City Rocker. Ciao. Et on n'oublie pas. À câble.